couleur. La neige est tombée. Le soleil s'est levé, l'oiseau semble joyeux tandis que je marche. Dans l'histoire du monde sans fin, à la marge de l'histoire des hommes, je te dessine avec des crayons de couleur. Bleu pour le ciel, rouge pour la vie, vert pour l'espoir. La neige est tombée, le soleil s'est levé. Je me repose, l'émotion vient de passer.